failli arriver en retard. c'est Pyongyang Stereokers numéro 399. Nous sommes le 6 août 2025 et puis nous sommes à deux dans le studio. Il y a Henri. Salut, salut. Ça va ? Ça y est, là, t'as pris tes quartiers. Bah écoute, on m'invite, j'aimerais bien. Et puis moi-même, Stéphane, pour passer une heure à passer de la musique douce et puis parler de diverses petites choses. Il y aura entre autres, pour ma part, une chronique de fanzine tout à l'heure et puis bon, sinon quelques annonces concerts. Hein, vu que bon, c'est les vacances, on s'en fait pas chier. On va commencer avec le bon vieux son des années 70. C'est même 77, c'est 999 avec Nasty Nasty. Alors, tu nous as ramené que des trucs violents, comme la fois dernière, enfin, il y a 15 jours. Bah là, un peu plus violent, justement, parce qu'on m'a dit que c'était déjà un peu trop métal, trop produit. Non, c'est pas vrai. On t'a dit ça, mais en fait, après, on s'est repris en disant non, bah, finalement, c'était pas si métal que ça. C'est toi qui parlais de métal. C'est vrai. Bon, je vais encore revenir sur ça aujourd'hui, je crois. Mais bref, je vais vous passer du coup plusieurs groupes aujourd'hui, tous parus sur le même label américain, Sexfin Abomination Tapes and Discs. Alors, je vais pas tout le temps me faire chier à le dire en entier, vous allez voir, mais bon, c'est pas grave. C'est basé à Richmond, en Virginie, voilà, pour la petite info. Donc c'est bien de commencer par le début, tout simplement, première sortie du label en 2024, Dissolve the Mind du groupe Fried Reality. Et bon, tout de suite, on sait où on met les pieds, hein. C'est encore une magnifique prod digne des meilleurs enregistreurs cassettes 4 bandes. Et un traitement de la voix, je trouve assez guisme, période détestation, un peu caverneux, là. Enfin, vous allez voir, il y a un petit riffing bien palm mute. Donc c'est ce qu'ici on appelle un son fumé. C'est exactement ça. J'aime bien ce qualificatif. Et on ne sait même plus pourquoi on avait adopté ce terme-là. C'est vrai que ça fait plus de sens que caverneux. C'est pas ce qui sonne. J'utiliserai à la prochaine fois. Donc, forcément, c'est tous ces points qui me donnent un petit peu envie de comparer de ces deux groupes. Et aussi, du coup, de faire accrocher les auditeurs appréciant déjà beaucoup guisme. Ouais. Promis, ce sera le seul truc un peu guisme, métal, on peut encore dire ça, je ne sais pas, de ma playlist. Mais on est vraiment dans le punk hardcore avec des passages 10 bits. Donc, c'est encore un truc pour les crusters et les hardcore kids américains. On écoute tout de suite No Sympathy de Fried Reality. Yeah! entend bien l'inspiration. Là, quand ouais, même. Ouais, moi j'aime bien. Hein, tu peux revenir avec ça tant que tu veux. Hein, pareil, pour moi, il n'y a pas de problème. Là, peut-être d'autres, ça va un peu leur casser les oreilles. Je vais leur casser les oreilles autrement avec un concert qui va avoir lieu demain au bout de nos rêves. À me croire tourné, il y aura alors Rotophile Connard. Je crois que j'en ai passé une fois ou deux déjà dans l'émission. Et puis ça, vous allez entendre, c'est magique. C'est un duo, mais qui fait des trucs. Bon, enfin, c'est un duo. Et puis il y aura un autre duo qui s'appelle Oursifol et Racagnac, qui fait, paraît-il, de l'électro-crustpunk. Bon, malheureusement, ils ont commencé il n'y a pas longtemps. C'est des Belges, c'est des Bruxellois, je crois. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à se mettre sous la dent en termes d'enregistrement, qu'ils soient live ou studio. Et puis il y aura aussi, donc, sinon, dans ce concert demain au BNR, un DJ set avec Bang Bang, qui fait de la Gabber électro-punk. Voilà, bout de nos rêves, Grand Route numéro 141, à Gorère. Croix, c'est à partir de 19h. Ça, c'est l'ouverture des portes. Hein. Le concert en général commence à 20h, 20h30, ouais. 21h, 21h30. Ça dépend comment les gens ils sont bourrés. C'est ça. C'est un peu comme le CCL, quoi. Et puis, ça sera 8€ l'entrée, puisque je n'ai rien de Oursifol et Racagnac à nous mettre sous l'oreille. Voici Rotophile Connard. Où est-ce que je les ai casés? Eh ben, allez, voilà. Rotophile Connard avec Ketadub. Ahora cambio de situación. situation. Quand bien avance la situation. Ouais, bon, bah voilà, là, la situation, elle change. Hein. Ouais, on en a quand même eu pour 5 minutes 24. C'est rare qu'on passe des titres aussi longs. Ouais, bah c'est sûr, et là, je vais pas faire plus long, c'est sûr. On blague. Vas-y. Alors, Public Assassination, un groupe que j'aime bien pour son choix de chanter avec une voix un peu plus posée que beaucoup de choses qu'on peut entendre sur ce même label et même dans l'Europunk ou le punk hardcore généralement. Tu peux rappeler le nom du label ? Sex Fiend Abomination. Tapes and Discs, mais on va rester sur Sex Fiend Abomination. Donc ouais, vous avez entendu sur le premier titre qu'en effet, ils aiment bien faire des trucs assez raw sur ce label. Alors pour le coup, justement, c'est pas blindé d'effets qui vont tout dégueulasser. La voix est pas ultra poussive ou saturée. Par contre, ça débite sec. On est vraiment dans le punk hardcore des années 80, ultra rapide, comme les Américains aiment le faire depuis le début. Alors j'ai choisi un morceau sur les 5 titres de la sortie qui s'appelle Abandoned, mais vous invite vraiment à écouter la sortie en entière, elle fait même pas 10 minutes. Je trouve que la force de sa sortie, c'est quand même une certaine vitesse, je sais pas si c'est d'exécution ou comment tous les morceaux s'enchaînent vraiment tout seuls. Enfin, à l'écouter leur safe title en attendant, je vous laisse avec un titre d'une minute, Abandoned de Public Assassination. Il y a des gens qui vont trouver que c'est pas produit du tout, ça. Bah ouais, bah, je trouve que c'est un côté plus garage que raw, justement. Dans... C'est même pas un zoom qu'ils ont mis au milieu de la salle de répète. C'est carrément un vieux magnétophone. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Mais bien, quoi. Bon, putain. Bien, justement, chez nous, avec les États-Unis, des citoyens états-uniens soucieux de leurs droits, ont très récemment remarqué, ça date d'hier, hein, ils ont très récemment remarqué que le texte de la Constitution américaine, disponible sur le site du Congrès, constitution.congress.gov, subit quelques retouches dans un passé proche, dont des sections entières qui ont disparu. Celle qui interdit aux officiels états-uniens de recevoir de l'argent de puissances étrangères, ça a disparu de la Constitution. Ah d'accord. C'est quand même l'exemplaire officiel, hein, celui qui est... Oui, voilà. Ce qui a aussi disparu, c'est la section qui réserve la politique étrangère au niveau fédéral plutôt qu'aux États. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, on ne sait pas. Et puis aussi, ce qui a disparu, c'est l'habeas corpus, cette noble et ancienne notion romaine puis anglo-saxonne qui interdit d'arrêter les gens sans leur dire ce qu'on leur reproche et qui interdit aussi de garder les gens emprisonnés sans jugement. Bon, c'est pas que ça soit toujours respecté dans les faits actuellement, hein, ni aux USA ni ailleurs, mais si maintenant on fait disparaître la référence permettant d'essayer d'obtenir réparation en cas de non-respect de ce principe, vous conviendrez que tout va devenir encore plus difficile. Donc pour l'instant, ça se passe aux Amériques, là où il y a des Américains, on parie combien que cette pratique va essayer de traverser l'océan avant longtemps. Restons aux USA avec un groupe qui va passer demain près de Bruxelles à Hopewick en concert gratuit avec On Fire en première partie. C'est les vieux de DI qu'on écoute ici en live avec, dans leur propre bled de Fullerton, c'est à côté de Los Angeles. C'était le 5 avril dernier, aussi live par DI. Fuck yeah. We'll be right back. Ouais, c'est vrai que you're the best, hein. C'est nous les best. Vous êtes sur Campus 106,6, le canal 7C de la du DAB+, et www.campuslille.com pour ceux qui écoutent de plus loin. Mais forcément, si vous écoutez, vous êtes déjà au courant. c'est juste une obligation, hein, de donner la fréquence et tout ça. Sinon, okay, on va se faire taper sur les doigts. Qu'est-ce que je voulais passer ? Ah bah oui, alors, qu'est-ce qui va passer samedi ? Encore au bout de nos rêves. Actuellement, il y a une salle qui fait des concerts tous les jours, c'est le bout de nos rêves. Il s'arrête jamais. Il s'est un petit peu arrêté, mais là, il a repris. Il y aura Clitosaurus, qui est... attends, je ne sais quoi déjà le slogan du groupe. C'est... Attends, dès que j'arrive à choper... C'est pas mal comme nom, en tout cas. C'est du rock vulvastique... comment ils appellent ça ? Rock vulvastique jouissif et poilu. voilà, ils sont à deux. Il y a une meuf et un mec qui chante. La meuf, elle chante et le mec, il fait des vocaux et puis il joue aussi du poète-poète. Enfin, du synthé, ouais, voilà, des claviers. Et puis il y aura aussi en première partie Cat Nothing. C'est une linoise qui fait du folk noise post-rock. Tout ça, donc, ça sera au bout de nos rêves samedi à partir de 19h, début du concert un peu plus tard. Donc, vous avez le temps d'en boire une petite ou même deux. On va pouvoir écouter tout de suite ce que nous font Clitosaurus avec Push the Button. Magic one, but it has no power. Want to push a button? You just push a button. I can tell by your face you've never heard of that fucking button. I would tell you about love, but they took my heart the other day. They threw it in the trash after trying to eat it with mayonnaise. Now I've got underwear in the event of a crisis. So I rest my case with a low key. Check it out your own sis. It's the same shit. But you will only see the scars. Know that you're all well dead and you're breathing in haze. You will find her shooting rabbits at the center of the maze. No sandwich, no sir. And she doesn't shave her pew. She knows all the songs, but she pretended she can sing. Don't turn your back on her, cause she's got a taste for loot, destroying galaxies as she's spinning her wings. But it's just a dream. She wakes up in a dirty model room with a faceless fucker, very proud of his hard on. Will he find the button? No, he's not even aware of the button. She flies away to the bathroom window, leaving the bill to the groom. She can't tell from people her dreams, for they're covered in mayonnaise. Slipping in her high heels, she hasn't danced for days. Whoa. On a collision course as she penetrates the fog, you know she can't be loved anymore. Ah! Après, on sait pas ce qu'on va passer, hein, parce qu'en fait, vous écoutez Pure Gangsta Rockers et nous, on sait jamais ce qu'on va passer à l'avance. Non, on choisit. Je peux te dire que ce sera Autocire. Allez, vas-y, dis-le. Alors, on arrive au moment où je parle de mon truc favori de tout ce label qui est Sexfin Abomination, le groupe Autocire. Alors, pas besoin d'aller très loin pour savoir ce qu'on va écouter. En fait, même pas besoin d'écouter, j'ai envie de vous dire. Sur la pochette, on a trois petits bonhommes à la Zianos, mais avec des flingues parce que America, tout simplement. Et on a le droit à la magnifique phrase Spin Noise Hardcore, qui fait évidemment référence à la sortie de 93 Spin Noise Hardcore Rags de Gloom. Les gens qui ont tout simplement popularisé, on peut même dire inventé, le terme Crusher Crust, et une grande partie du son qui va avec. Zianos, par exemple, l'ont fait aussi. Bon, bref, même si j'ai tendance à trouver les riffs un peu plus mélodiques que ceux de leurs prédécesseurs japonais, on comprend ce qui se passe, en tout cas. Je vous offre carrément deux morceaux pour le prix d'un, parce que je sens généreux, là, et que ça fait toujours pas plus de 3 minutes avec 2 titres. Alors, c'est parti pour Crustfucker Warlover, suivi de Scum par le groupe Autocire. Donc c'est vraiment pas un mixage et un mastering moderne. Et pourtant, si je dis pas de conneries, c'est souvent le mec de Orchid, là, Will Kill, qui s'occupe du mastering. Ah. Il fait le mastering pour le monde entier, je crois. C'est pas une blague. Ouais. Non, il y en a un autre, là, North London Bomb Factory, là, non, aussi, Daniel Hussein. Ouais. Bon, ils sont à deux, quoi. Ils se partagent. C'est Yalta, tu vois. C'est fou. Mais bon, ouais, c'est des gens qui... On se demande même comment ils arrivent à en faire autant. Ouais, ouais, si tu te demandes s'ils écoutent la sortie des fois avant de s'y mettre à le mixer, quoi. Ils doivent avoir des scripts. Ouais, peut-être. Allez, hop. Ils écoutent un petit peu, ils écoutent 10 secondes. Ah bah, ça va être bon pour, avec ce script-là. Tac, et puis c'est parti. Ouais, on se pose la question. Surtout même au prix qu'ils font ça aussi, c'est assez dérisoire. Tu te payes 50 balles ton master, je crois, une connerie comme ça. Ah ouais, je pensais que c'était un peu plus cher que ça. Bah, je pense que nous, c'est peut-être parce que le truc qu'on avait fait, il y avait 4 titres, quoi. Mais je crois qu'il nous demande d'esprit là. C'était assez peu cher finalement. Vu que ça dure. Carrément. Voilà. Ce qui va durer aussi, c'est le concert de Délétère. Et qui c'est qu'il y aura en première partie? Wave of Fear. C'est deux jeunes groupes de jeunes. Vont passer ce samedi au Pizza Courtrai. Ça sera 10€ l'entrée, je crois. Ouais, sûrement. Peut-être prix libre. Oh, vu que c'est organisé par Spit It Out, non? Non, pas du tout. Enfin, okay. Je dis pas du tout, en fait, j'en sais rien. Faut que j'arrête. Moi, j'ai envie de croire, comme j'ai vu à peu près le flyer. T'as raison, c'est prix libre. Oh là, bravo. En profiter. Heureusement que t'es là. Et donc, Wave of Fear, ils viennent de Gand, ils font du raw punk. Et puis, le groupe que tout le monde attend, parce qu'à chaque fois qu'ils passent dans le coin, tout le monde y va. Donc, ça va encore être sale comble au pit. Donc, faut arriver à l'heure d'ouverture, 18h. Si vous êtes là, 18h05, c'est trop tard, c'est sûr. Vous devez rester dehors. Délétère de Saint-Étienne. Voici donc premièrement Délétère avec La Balance et le Glaive, suivi de Wave of Fear avec Their Finest Hour, qui passeront samedi au Pitz. Go on the night, my soul! Vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 399. Et puis vous êtes sur Campus 106,6 et voici Henri qui va vous présenter encore une belle chose. Ah ouais, bah là je finis mes propositions avec le projet que je trouve le plus raw, le plus noise punkisant, le plus crasherisant pour les fans de Dust Noise, Confuse et même Anna Tarash. Vous allez comprendre en entendant. Il y a même un petit côté glou. Sur comment ça pousse un peu la chansonnette, ça reste américain. Sur une des deux pistes que je vais vous passer, enfin, il suit la ligne de basse avec sa voix, c'est assez cool. Bref, du crasher américain. Alors, vous en faites pas, quand la piste va se lancer, c'est censé être compressé comme pas possible. On a le droit à une outro bien noise, d'où mon envie de comparer ça à Anna Tarash. Et une fois de plus, c'est des morceaux d'une minute. Il y en a que quatre, donc vous allez avoir la chance d'en entendre deux sur les quatre, ce qui équivaut à la moitié. Impressionnant. Bravo. Ouais, j'ai fait un petit peu d'école. Donc, il n'y a pas de nom de piste, juste Disgusting One, juste jusqu'à fort. Vous remarquerez mon magnifique accent. Donc vous aurez l'honneur d'entendre les deux dernières pistes, Disgusting 3 and 4. Un petit côté 7 Minutes of Nausea vers la fin. Vraiment. Je reviens aussi avec ça quand tu veux, hein, pas de problème. Parce que, ouais, on parlait alors en antenne, comment ça rend dans une voiture un peu cheap, ouais, sur des enceintes un peu pourries. Bah, on entend. Voilà. Ah putain, il est bien ton nouveau titre là. Cool. Chronique Zine maintenant, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, la sortie du numéro 16 déjà de Anarchie Locale. C'est le numéro de juillet-août, il est sorti la semaine dernière. Quand même, on y parle de plein de choses, entre autres du fait que les marchands de mort sont aussi dans le Nord, pour dire que parmi les pays qui continuent d'envoyer des pièces d'armement et puis du matériel à Israël pour l'aider dans son génocide, il y a la France et il y a certaines de ces entreprises françaises qui sont dans le Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, tout ça. Bref, ça parle aussi aussi du Tour de France qui a été un levier de propagande pour Israël, merci. Et puis aussi de trucs très importants de l'organisation qui se fait, qui est en train de naître actuellement autour du refus des nouvelles lois là pour forcer les gens à travailler 15 heures par semaine et tout le bordel. Le titre de l'article c'est Travail forcé, ça s'organise dans le Nord. Voilà. Puis sinon il y a un petit agenda parce qu'il se passe quand même toujours des choses pendant l'été. Là, cet agenda qui commence sur ce Anarchie Locale numéro 16, qui commence le 16 juillet, qui finit le 10 septembre. Boycott du pays, dis donc, t'as vu ça? Pourtant, c'est quand même c'est un truc qui est fait par l'extrême droite, il paraît. on dit ça. Et puis, si vous en avez pas assez, il y a aussi de la poésie, non seulement dans le Anarchie Locale, dans cette feuille à 4 pliés en 3. Voilà. Mais il y en a aussi dans un supplément poésie. Donc, c'est une deuxième feuille qui est attachée pour poésie bien vénère. Un jour, peut-être, si j'ai le temps et si j'arrive à trouver la voie, j'essaierai de vous en dire les meilleurs passages, enfin ce que je trouve les meilleurs passages. Voilà, premier truc pour les zines. Deuxième zine à signaler, là franchement si vous arrivez à mettre la main dessus, il y a un excellent dossier label vinyle dans le numéro 26 ou 28, je ne sais plus, 28, numéro 28 de La Faute à qui. Alors attendez, au lieu de raconter des trucs dans le vide, je vais ressortir mon texte parce que j'ai même écrit un truc là-dessus, tellement c'était bien, je voulais pas me louper, donc ne nous loupons pas. vous écoutez Pyongyang City Rockers, et donc excellent dossier label vinyle avec une interview croisée et entrecroisée de 4 grosses têtes, je dis 4, non, ils sont 5, grosses têtes du vinyle punk en France, à savoir Ben Une Vie pour Rien, Bertel de Primator Crew, Fabien de Rusty Knife, notre Bobo intergalactique de Dirty Punk Records et Stéphane de Deviance Records. Rien que le dossier, donc je vous le dis, il vaut la peine de mettre la main sur l'usine. Il y a aussi du bon par ailleurs, des interviews de No Filter et de Over the Hill, qu'on a déjà passé les deux, t'as vu, ouais, on est fort. Il y a aussi une chronique ciné assez fouillée, une double page sur Johnny Got His Gun, et puis une double page historique sur la bataille de Maximir, un match de foot qui n'a jamais eu lieu pour cause d'affrontement entre supporters du Dynamo Zagreb et de l'Étoile Rouge Belgrade, ce qui a été l'un des points de départ de la guerre en Yougoslavie dans les années 90. C'est donc La Faute à qui, numéro 28, il est daté de juin 2025. Disons que c'est encore une nouveauté quand même, hein, zut. Hein. Et puis alors sinon, ça c'est fini, maintenant je finis pour La Faute à qui, procurez-vous le vous, hein, franchement. Et puis sinon, on vient d'être prévenu, genre hier ou avant-hier, que le numéro 3 de Réveil forcé était sorti. C'est des textes, alors je lis la prose du monsieur, hein, c'est des textes et photos sur mon récent voyage à New York. Ça cause de punk, de graffiti, de voyage. C'est un format A4 et c'est en prix libre comme d'hab. Je peux en envoyer partout. Chiche. Vas-y, envoie-en partout. Bon, normalement, il devrait venir, le pirogue devrait venir nous en causer, et puis peut-être nous en lire là aussi les meilleurs extraits. Pas tout de suite, pas cette semaine, je lui ai demandé, mais il pouvait pas, et il est très occupé, hein, c'est un businessman maintenant. et puis, et donc, pas la semaine prochaine non plus, je pense, plus tard, quoi, peut-être fin au tout début septembre, de toute façon, voilà. Et il en aura forcément à Louis Pleur, vu qu'il y sera, donc si les gens qui vont à Louis Pleur pourront peut-être choper un exemplaire Lobo. Pour l'instant, qu'est-ce que je voulais passer? Eh ben, Zikin, excellent groupe basque que j'avais prévu de passer il y a 2 semaines et puis que j'avais pas eu le temps parce qu'on était encore tout plein. Je vous le passe cette semaine, c'est ce titre. Sachant qu'en plus, j'ai pu les voir en concert, j'ai eu la chance, vu que j'étais parti à Rennes pour affaires familiales. j'ai eu la chance de les choper vendredi dernier, 1er août, au Dimanche Bistrot. C'est un bistrot qui s'appelle comme ça. Et en plus de ça, j'ai eu le ticket. Il faisait encore des tickets papier. C'est et bon j'ai eu le ticket numéro 1. Ouais, la preuve. Voici donc les basques de Zikin. Zikin, ça veut dire crasse, il me semble. Voici les basques de Zikin avec Atseratse Azelerawa. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est sorti sur Mendeku Disque avec Zikin. I'm not boum. J'espère qu'un jour ils vont passer dans la région, parce que franchement, ça c'est un excellent concert. Il a duré 40 minutes, okay, ouais. À tout casser. C'était le seul groupe de la soirée, quoi. Mais alors, Putain, c'est cool. En plus, dans un tout petit bistrot, quoi. En fait, en général, dans les petits bistrots, tu vois le groupe qui fait face à la porte qui est à l'autre bout. Ouais, ouais. Hein, tu vois, comme genre au bidule ou un truc comme ça. Là, c'était tourné à 90 degrés. Comptoir, et donc, il y avait. Un embryon de salle, okay, qui est, ouais, après le comptoir. Mais alors, où tu peux faire tenir. 25 personnes, vraiment serrées, quoi. Ok. Devant le groupe. Tous les autres, ils étaient devant le comptoir, mais c'est bon, quoi. T'avais une super ambiance. Excellent. Faut y aller. Dimanche Bistrot à Rennes. Rue d'Entrain, je crois. Ouais, c'est ça ? Non, je sais plus. Un autre nom, mais bon, bref. Je connais pas encore ma géographie rennaise. C'est à vous. C'est à moi. Eh bien, Pray to be Saved, c'est un morceau d'Extreme Noise Terror sur le EP Phonophobia, sorti en 91. Mais c'est aussi un des groupes du Rooster, on va appeler ça comme ça, Sex Fiend Abomination. Donc évidemment, on est sur un worship d'Extreme Noise Terror. Il y a quand même 30 ans d'écart entre ces deux groupes, donc forcément, on y retrouve des choses un peu plus... des breaks, encore. Même si on reste sur du break proche de Discharge ou de projet Crusher Crust, hein, on n'est pas sur le metalcore, ne vous en faites pas pour ceux qui sont plus hermétiques. Bon, alors ça va ultra vite, il y a un pur 10 beat, un son de guitare à base de HM2 avec tous les aigus à fond. Je me demande s'il n'y a pas même deux HM2 à la suite, tellement on n'entend que ça. C'est que la démo, mais c'est déjà très complet et assez long. Je vous passe mon préféré, c'est pas forcément le plus représentatif de tout ce qu'ils peuvent faire, mais on va pas cracher sur 2 minutes de 10 beats quand même. C'est parti pour le morceau Pervitin de Pray to be Saved. Bien qu'ils mettent les aigus à fond, hein. ça rend vachement bien que la MP3, moi je vous le dis. Dernière annonce de concert pour ma part pour ce soir, ce samedi à la Brad Cave, il y aura Shutdown, Loyal to None et False. Les deux derniers groupes sont des groupes de la région. Shutdown, eux, ils viennent de New York, ouais, voilà. C'est franchement, là aussi c'est du vieux son, mais plutôt du vieux son new-yorkais. Ils envoient correctement. Voici donc premièrement Shutdown avec Untouchable, et puis ensuite je me fais un petit plaisir personnel. Ouais, il y aura False avec Cop Thing. Ça passe donc samedi à la Brad Cave, organisé par des méritants quand même. Il faut dire qui organise ça. C'est Playloud et Bricks, des gens qui organisent des concerts comme ça à Lille un 9 août. Ouais. Franchement, en plein mois d'août, ouais, franchement, c'est des bons. Et donc, faut les encourager, faut y aller. Ou alors, faut aller dans les autres concerts, on peut pas être partout à la fois. Ou alors, c'est avoir sûr. Une voiture qui va très vite. Pour l'instant, ce qui va très vite, c'est la Zizik. Voici Shutdown avec Untouchable et ensuite False Cop Thing. Si je savais bien qu'à la fin ça finissait. Il y a toujours un petit truc. Ouais. Allez, on a encore 5 minutes là, même pas. Allez, je fais vite. Oui. Le dernier morceau, ce sera un morceau de Cicada. Ce serait juste con de pas les passer parce qu'en fait c'est le batteur de Cicada qui tient ce label Sexfin Abomination Tapes and Discs. S'ils reviennent en Europe, un de ces quatre, n'hésitez pas. Hein, ça a tourné avec Necronine que je vous recommande aussi. Ça tue tout. Bref, je vous passe le morceau Gross Patience Understanding. J'ai du mal. We'll be right back. number two for you. Hello, my name is Jack McDonald. Here is Nevermind, Lookalikes number two for you. Cheap holidays in other people's misery. Cheap holidays in other people's misery. Allez, 20h58-30 à l'antenne de Campus 106,6, c'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 399. On se quitte avec Bollock Brothers, Holiday in the Sun. Pour signaler et saluer et rendre hommage à la mémoire de Jock McDonald, le chanteur qui s'est éteint la semaine dernière. C'est un des premiers concerts punk que j'étais allé voir en 82 ou 83, je ne sais plus. Il n'y en avait pas beaucoup à les voir. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 400 de Pyongyang City Rockers. Peut-être tu seras là, Henri. Peut-être bien. Je sais pas, il y aura plein de monde en tout cas. On n'oublie pas d'écouter dans quelques instants Teeth Grinder avec l'ami JD. Ensuite, je sais pas si je sais pas si les autres émissions vont suivre. En tout cas, il y a toujours des très bons programmes sur Radio Campus, même pendant les vacances quand tout le monde est allé faire la frite au soleil. On se quitte et on n'oublie pas un cab. Voilà.